clignote sur le mur. Nous dansons à travers le pays des rêves. Souffle comme un rythme cardiaque. Attends, nouveau jour tous les soirs. Captive par magie, des voix volent dans la pièce, la musique sera pour la vie.